Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Mm-hmm. Tu connais la chronique Les paroles des autres? Oui, j'ai tellement de cheveux. Ouais, tellement de cheveux que tu. C'est la chronique où on écoute une chanson thème d'une chronique ou d'une émission dans l'univers Mathieu Plante. Ah! Oh. Ouais. Donc voici les paroles des autres. Cette fois-ci, c'est la chanson thème d'Il était deux fois. Pour pas de panique, deux turpés pour Paisley. Deux fois moins que monde dans mon groupe pour arrêter de niaiser. Deux pour moi pis mon alter ego. Deux micros pour un funk qui fume au budget. Deux fois plus gros pour le studio pour faire cette musique futuriste ici du 22e millénaire. Deux pour le nom d'hémisphère à conquérir sa planète Terre. Deux fois deux mots comme d'or. Sans compromis, savoir plaire. Sans contredit, savoir faire. Deux fois deux albums à mon actif pour mon humble carrière. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Le concept c'est de le faire une fois. J'espère que vous appréciez notre introduction électronique. J'espère que vous appréciez la production stéréophonique. Va t'acheter deux drinks, ici deux fois deux ré mi fa sol. Va donc t'acheter deux drinks avec le double d'alcool. Si je suis monogame, c'est que je veux toucher à deux seins. Si en deux jours, je fais qu'en deux filles, c'est pour sustenter deux autres besoins. Deux filles dans ce soir, deux orgasmes avec deux doigts. Deux fois deux filles dans ce soir, parce qu'on est deux fois deux rois. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, y'a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, y'a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Pendant quoi tu brûles la chandelle par les deux bouts. Ouais comme deux trous, nous on reste debout. Pour mettre le feu comme dans Il était deux fois deux troubles faites dans un double jeu. Mic check un deux pour tes beaux yeux. Pour une autre de tes pères serait odieux. Enlève le i au mon dieu. Parce que dans ce monde il devient deux. Y'a pas de doute pour me plaire. Il faut que ça vienne en pair. Comme dans Paris, Marciel et ta bière. Et Mercedes, paradis enfer. Deux balles dans le revolver. Et deux fous. Un sur ses deux jambes debout. Et l'autre sur ses deux genoux. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Le concept c'est de le faire une fois. C'est bon, JP, d'habitude, t'oublies tout le temps le dernier clap-clap, et là, tu l'as eu, donc je trouve ça beau à voir. Oui, ben j'ai appris des plus grands. Voilà, voilà. C'était Paisley, la pièce Il était deux fois, parue en 2008. C'est la chanson thème de la chronique Il était deux fois, qu'on fait ici ponctuellement à Assemblage Recu. On joue deux pièces d'un seul et même artiste et ou groupe. C'est quand même drôle que tu utilises le mot ponctuel alors que on commence toujours l'émission en retard. C'est rarement par ma faute, mais ouais. En effet, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Paceplay, P-A-Y-Z, P-L-A-Y. Donc, c'est leur nom à ce groupe-là. Et ils sont pas mal le fun. Ouais, je les aime bien. Ouais. Paceplay, ils sont sur Facebook aussi. J'essaie d'aller voir. C'est un petit band composé de 4 amis. Dès le poulet. Dès le poulet? Miam. Non, c'est ça. 2 super DJs et 2 super MCs. Donc, Nice et FX, ainsi que Roux et Egypto. Donc, allez voir leur biographie sur le site parce que ça a l'air assez complexe leur affaire. Hip-hop, rap, funk, dub, slap, originaire de Montréal. Voilà. On fait aussi, parlant de ponctuellement, cette chronique-là, les paroles des autres, ponctuellement, où on fait jouer la chanson thème d'une chronique et ou émission.